les plaines du nord, avec le ruisseau qui ne chante plus, avec le frisson d'un oiseau perdu au creux d'un arbre tout nu. Connais-tu le chant de l'été au matin de la Méditerranée, quand toute la mer vient se faire aimer au ventre amoureux d'un voilier? Connais-tu le bleu des étangs glacés, le silence blanc des forêts? Je veux te montrer le soleil qui fait de l'hiver la plus longue nuit, quand le cri lointain d'un bateau maudit secoue le port endormi. Je veux te montrer les enfants qui viennent pieds nus au-devant de toi, avec des misères déguisées de joie, un brin de jasmin dans les doigts. Le ciel se dérobe et j'ai chaud au cœur. Le ciel me regarde et je pleure. Connais-tu mon chez toi, que chez toi, mon...